Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui je reçois une personne qui a toute mon admiration, Charlotte Schumacher, fondatrice et directrice de la maison d'édition Les Rives Noires, qui se trouve à Thionville. Bonjour Charlotte. Bonjour Sarah. Je suis plus qu'honorée de te recevoir. Je trouve que tu as un parcours incroyable et j'avais très très envie que les auditeurs de Caprice de lecture te découvrent. Alors merci d'avoir accepté. Oh ben, merci de me recevoir. Alors Charlotte, tu es fondatrice de cette maison depuis 2023, si je ne me trompe pas. Tu étais avocate en droit international et tu passes directrice de maison d'édition. Oui. Que s'est-il passé ? Ben un petit coup de folie, je pense que c'est vraiment ça. Un moment où j'avais besoin d'autre chose, de sortir de ma zone de confort, de me lancer un nouveau challenge. Et j'ai été vers ma passion, les livres, ça a toujours été ça. Toujours aimé ça. Toujours. Le polar ? Le polar, oui, dès l'adolescence, dès 13-14 ans, je suis tombée dedans et j'en suis jamais sortie. Et j'avais vraiment envie d'aider les auteurs à pouvoir réaliser leurs rêves et à pouvoir faire découvrir des nouvelles voix, des nouvelles plumes. C'est de créer ton univers. C'est ça. Et ça, je trouve ça super chouette. Alors justement, dans chez les Rives Noires, on peut dire chez les Rives Noires. Bien sûr. Ok. On a 6 collections, on a 6 types de polars. Parce que souvent, on parle de polars de manière un peu générique ou générale. Et toi, tu as réussi à découper ça en 6 grands types de polars. Alors souvent, on dit, y a le polar psychologique, le polar historique. Vous avez fait le choix d'une autre découpe. Et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout, à un moment, tu reçois des manuscrits, je suppose, on en parlera après. Tu le mets dans quelle case ? Voilà, c'est quoi les différents types ? Exactement. Alors du coup, les collections se sont créées autour des manuscrits qu'on a reçus. On a reçu énormément de manuscrits. Oui. On a dû faire des choix. On a pris vraiment ceux qui me plaisaient le plus déjà en tant que lectrice. Je ne les ai pas lus en tant qu'éditrice. C'est vraiment la lectrice qui a eu un coup de cœur. Et ensuite, j'ai vraiment essayé de les rassembler un maximum pour voir quels étaient les axes communs. Et en fonction de ça, j'ai trouvé vraiment des collections qui ont vraiment découlé quasiment toutes seules. Par exemple, Les Rives du Temps, c'est pour les polars historiques. Okay. Ça, c'est quelque chose où maintenant, ça commence de plus en plus à émerger. Ouais. C'est vraiment fait des polars qui se passent. Là, par exemple, celui qui va sortir, c'est sur le front. Donc là, on est vraiment, on est pendant la guerre de 14-18, ça sort des codes polar général, et c'est les Rives du Temps. Il y a vraiment quelque chose des Rives Noires. On est sur un thriller qui est plus psychologique, qui est vraiment sur la psychologie des personnages. Ouais. On a une histoire, on n'a pas forcément une enquête, il n'y a pas de meurtre ou de choses comme ça. Mais on est vraiment peut-être la pression psychologique, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément du sang, mais ça peut être de la manipulation psychologique. Exactement. Okay. C'est vraiment toutes ces collections qui découlent. La collection principale, c'est Les Rives du Crime. Là, c'est le roman policier classique, comme on l'aime. Un meurtre, une enquête, des suspects, un coupable. Exact. Voilà. Et donc, vraiment, toutes ces collections se sont construites un petit peu. Elles ont émergé d'elles-mêmes. Alors, justement, tu disais, quand on reçoit des manuscrits, moi, je suppose que tu ne peux pas tout lire. Tu adorerais, mais des fois, ce n'est pas toujours facile de trouver le temps. Tu dis, je le lis en tant que lectrice et non pas en tant qu'éditrice. Ça veut dire que tu peux avoir 2 niveaux de lecture. Oui, complètement. L'éditrice doit remplir peut-être un espèce de cahier des charges. Exactement. Il n'est pas le même que celui que la lectrice. La lectrice, elle va lire vraiment pour avoir le coup de cœur. Elle va aimer l'histoire, elle va aimer le style d'écriture. L'éditrice, elle va regarder plus d'un aspect. Elle va s'attacher à la syntaxe, à la langue, à l'histoire, que la chronologie soit bonne, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment mes 2 casquettes différentes. Donc, je fais une deuxième lecture après en tant qu'éditrice. Ah oui, tu relis en tant qu'éditrice. Oui, pour vraiment savoir si j'ai fait le bon choix, si je dois sélectionner ce manuscrit. Ok. Alors, j'ai vu, parce que j'ai été visiter le site internet, bien sûr, quand même, que vous recherchez des personnes pour faire partie des bêta-lecteurs. Oui. Alors, j'ai postulé, parce que moi, j'aime bien. On dirait une gamine devant son cadeau de Noël. Moi, j'adore ce genre de truc. Découvrir ce que je ne connais pas encore. C'est ça. Aujourd'hui, ça se passe comment ? Vous recevez un manuscrit, tu les lis tous ou t'en lis quelques-uns ? Non, je les lis tous. Ils passent tous forcément un moment ou un autre par mois. Par contre, on est 4 à les lire C'est partagé les manuscrits. C'est le comité de lecture ? Voilà, c'est ça. On fait une espèce de petit filtre. Okay. Mais forcément, je les lis un moment ou un autre pour qu'on puisse les sélectionner. Ouais, voilà. Super. Donc, ça fait pas mal de livres à lire. Ça fait beaucoup de travail à lire en plus de tout ce qu'il y a à faire à côté. C'est ça. Alors, on va faire une première coupure musicale, Charlotte. Coupure de ton choix, c'est Pharrell Williams pour Happy. Peux-tu nous expliquer ce choix ? Ben, je trouve qu'il représente bien mon état d'esprit, en fait. Je suis tout le temps dans la bonne humeur, dans le partage avec les gens. Donc, je trouve que cette musique, elle correspond parfaitement à ce que je veux véhiculer avec les Rives Noires. Eh ben, super. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'émission. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Charlotte Schumacher qui vient nous parler de la maison d'édition Les Rives Noires qui se situe à Thionville, qu'elle a elle-même fondée et dont elle dirige d'une main de maître dans un gant de velours tous les aspects de l'édition. Alors Charlotte, il y a déjà quelques romans qui apparaissent au catalogue des Rives Noires. Il y aura quelques surprises, je suppose. Comment tu vas chercher ces auteurs étrangers ? Oui, alors là, ça a été vraiment un pari un petit peu osé. C'est que je me suis servie de mes anciens contacts. Ouais. que j'avais donc dans les fonds d'investissement, et j'ai essayé d'aller vers les fonds d'investissement qui étaient plutôt culturels. Oui. Il y avait des maisons d'édition, des agents littéraires, et voilà, et j'ai sélectionné des auteurs étrangers qui ne sont pas encore publiés en France. Voilà. Alors, pas publiés parce que pas à l'occasion, ou comme on le disait, un peu hors antenne, les grands groupes de maisons d'édition un peu qui phagocytent tout ça, ne s'y intéressent pas. Et toi, du coup, tu paries là-dessus en disant, eh ben, moi, je vais leur donner une chance. Alors, ils ne les connaissent pas encore. C'est que j'ai eu de la chance, c'est qu'il est très connu, par exemple, le premier aux États-Unis, oui. Mais il n'est pas connu en dehors des États-Unis. Donc, je joue là sur le côté, j'ai la primeur. Mais c'est un super pari. Mais c'est un beau pari. Parce que découvrir des nouvelles voies. Aujourd'hui, le genre, on va dire, policier en règle générale ou thriller, c'est un genre qui s'est beaucoup, beaucoup répandu. J'ai même l'autre fois un lecteur qui me disait que c'était presque la lecture facile. Ou alors, il y a eu un gros débat parce que je ne suis absolument pas d'accord. Bien sûr. C'est une lecture facile. Mais le fait d'aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça se passe comment? Tu y vas? C'est que des appels ou Là, on a fait des visios. Ouais. Non, je me suis pas rendue sur place. Ouais. On a fait que des visios. Je suis passée donc, avec son agence littéraire, avec lui aussi en direct. C'est vraiment quelqu'un en plus de très sympathique. Il est professeur de psychologie à la fac à UCLA. Donc, il est vraiment... il aime beaucoup cette aspect psychologique, et ça se sent dans ces romans qui sont vendus. Je crois que le dernier, il s'est vendu déjà à 30 000 exemplaires en quelques mois. Donc, oui, donc le pari est bordé, mais voilà, ok. Et du coup, ça me fait penser, tu as gardé contact avec d'anciens collègues ou d'anciens pairs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Ils sont admiratifs de ce choix un peu osé, justement. Eux, ils trouvent que c'est vraiment génial, et ils savent que tout le côté juridique, tout ce que j'ai appris avant va me servir dans cette maison. Je pense que c'est ça notre patte, en fait. On a quelque chose en plus. Tout est rodé juridiquement, c'est moi qui rédige les contrats. C'est vraiment, tout est carré de ce côté-là. C'est génial. Alors justement, parce que moi, je suis très intriguée. Tu es donc directrice de la maison d'édition. Tu as une vie de famille intense. C'est quoi la journée type de Charlotte le matin jusqu'au soir? Déjà, est-ce qu'il y a une journée type? Il y a une journée type, mais elle se coordonne comme toutes les mamans autour des enfants. C'est toujours comme ça. Oui. Donc, je me lève avant les enfants pour préparer les petits déjeuners, les sacs d'école. Bienvenue dans le monde des mamans. Voilà, les affaires, normal. Ensuite, quand les enfants, donc je les réveille, ils prennent le petit déjeuner. Hop, voilà, on s'occupe des enfants, on les emmène à l'école. Famille. Voilà. Donc, avec les plus grandes. Ensuite, le petit à la crèche. Et donc, à 9h, je dépose le petit à la crèche. Et là, à 9h30, je suis installée à mon bureau et ma journée commence. Tu as changé de costume. Voilà, complètement. Et là, c'est parti. Là, c'est parti pour la journée marathon, puisque je les récupère à 16h à l'école. Donc, je sais que toute ma journée... Et vraiment, elle doit tenir entre. Voilà, il faut tout faire rentrer dans ce laps de temps-là. Et tu ne déroges, tu ne souhaites pas, je dirais, plutôt déroger, c'est-à-dire les enfants sont vraiment le centre. Prioritaire. Les auteurs le savent aussi, je ne suis pas disponible à 16h parce qu'ils savent que je vais récupérer les enfants. C'est chouette. Et à 18h, ils peuvent me téléphoner, me poser des questions. Je reprends mon ordi, c'est mon moment. 16-18, c'est la sortie d'école, les exact, enfants, les devoirs, comme toutes les mamans. Tu as encore plus mon admiration, Charlotte, tu arrives à faire ça, franchement, c'est chouette. Alors, on va parler un petit peu, donc il y aura un salon en juin 2026 du côté de Bordeaux. Oui. Parce que j'ai un auteur qui est venu là il n'y a pas longtemps, qui ne m'a chanté que des louanges de Charlotte. Alors, et il y va d'ailleurs, je crois. C'est notre invité d'honneur. Voilà, il m'a dit, il est ravi, il est flatté, il est... Voilà, bref. Et il y aura un salon donc aussi en juin 2026 à Dombasle, donc vraiment à côté de... Voilà, à quelques kilomètres. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit peu quelques infos sur ces... Deux salons, est-ce qu'il y aura des invités d'honneur? Bien sûr. Est-ce qu'il y aura des temps forts? De toute façon, je pense qu'on... J'espère avoir le plaisir de recevoir les organisateurs pour en parler. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, donc, le 6 juin, donc, c'est à Saint-Quentin-de-Baron. Donc là, c'est dans les coins entre Bordeaux et Libourne. Ouais. Donc là, c'est vraiment Vigne du Crime. C'est un festival pour mettre en l'honneur les livres et le vin. Le but, c'est d'aider les vignerons locaux. Ouais. Voilà, parce que c'est une période qui n'est pas facile pour eux, comme pour beaucoup de gens, de choses, malheureusement. Et donc, on voulait les aider. Et il y a un lien entre le polar et le vin. Il y a quelque chose. On peut toujours déguster un bon vin en appréciant un bon crime. Exactement. Donc, j'ai vraiment imaginé ce festival pour aider les vignerons locaux. Ouais. Ça se passe dans un domaine. Et le but, c'est vraiment pendant ce week-end de faire découvrir. Il y aura des dégustations de vin, il y aura des conférences de polar. Super. Il y aura des tables rondes. Des tables rondes. On sait déjà qui y aura un peu en invité. Bien sûr. Bah, on a notre marraine, donc Ophélie Cohen, des Louvres super. Du Polar. Qui nous a fait l'honneur d'accepter. Super. Donc, c'est vraiment. J'ai croisé Assaille de Crime parce que je l'avais interviewée. Elle est vraiment vraiment géniale. Elle est vraiment super. Elle a été un grand soutien. Voilà. Ouais. Donc, Christian Schott qui sera notre invité d'honneur. Ouais. Voilà. Et d'autres auteurs qu'on va dévoiler prochainement. Mais voilà. Mais ce sera vraiment un petit salon. Il y aura 20 auteurs maximum. Le but, c'est vraiment pas de faire quelque chose en grande pompe. C'est un événement convivial. Un côté familial. Un peu intime, cosy. Et du coup, tout le monde apprécie, les organisateurs et les visiteurs. Exactement. Et donc à Dombasle ? Et à Dombasle, là, on est sur du gros salon. Là, on n'est pas du tout. Là, vraiment, donc, c'est Karine Clément, donc, de la confrérie du Polar, qui a eu l'idée, qui a imaginé ce salon. Elle est venue me voir avec son projet et j'ai été emballée, mais tout de suite. J'étais en admiration devant cette femme motivée, persévérante. Ouais. J'ai dit, il faut absolument l'aider. Donc voilà, les Rives-Noires sont le partenaire génial de ce salon. Et là, il y aura vraiment de très grands auteurs. On a donc Stéphane Schmucker, donc l'auteur alsacien qu'on aime beaucoup. Qui est aussi passé dans les studios des caprices de lecture. Très bien. Qui sera donc le parrain. Et c'est Anouk Schutterberg qui sera la marraine de l'édition. Voilà. Ah oui, des beaux noms. Hein. Donc on a des beaux noms. Et donc en invité d'honneur, on a fait venir donc l'autrice canadienne des Rives Noires, Nadège Baudouin. Génial. Voilà, J'y serai. Hein. De toute façon, j'y serai. Bel événement. Avec en plus plein d'animations autour du polar, elle reconstitue carrément une scène de crime. Donc, avec tous les différents intervenants, la police, voilà. Donc, ça va être vraiment génial. Super. Très, très bel événement. J'ai hâte d'y être. Nous aussi. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix. Donc, c'est Suzanne pour Viril. Oui. Pourquoi ce choix ? Je trouve qu'elle représente vraiment bien les femmes aujourd'hui, le monde dans lequel on vit et comment justement on doit un peu s'affirmer et se battre pour faire notre place. Donc elle est vraiment très actuelle cette chanson. Eh bien super, et on se retrouve juste après pour ton caprice de lecture. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout. On m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille viril, une fille viril. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres, les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille viril, une fille viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Charlotte Schumacher, directrice et fondatrice de la maison d'édition Les Rives Noires qui se situe à Thionville. Charlotte, comme le veut la tradition dans Caprice de lecture, peux-tu nous faire part de ton caprice ? La parole est à toi. Du coup, comme vraiment livre que j'ai adoré et que j'aime autant l'auteur que le livre, donc je vais prendre L'ombre du funambule de Stefan Schmucker, qui a été vraiment une révélation. C'est un auteur alsacien, il a un style d'écriture très percutant. Il écrit du sombre, alors que c'est pas du tout sa personnalité. C'est vraiment un homme charmant, gentil, doux. On se dit, mais comment il peut écrire de telles choses? Et je l'ai rencontré à Nancy au festival, donc au Livre sur la Place, il y a 2 ans, au moment où moi je me lançais. Et on s'est souhaité tous les deux vraiment de voir comment on allait évoluer. On s'est souhaité le meilleur et on s'est dit, on se donnera rendez-vous chaque année à Nancy pour justement voir. On l'a fait donc au bout d'un an et là, on l'a fait cette année au bout de deux ans. Cette année. Et là, on voit tout ce qui s'est passé pour nous. Lui, maintenant, il est invité de plus en plus dans des grands salons. Il commence vraiment à être reconnu en tant qu'auteur de polar. Et nous, les Rives-Noires, on émerge, on est là. On est sur des grands salons et on se dit, waouh, le chemin parcouru en 2 ans, il est dingue. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Voilà. Au prix de bataille tous les jours. De bataille. Tous les jours. Et vous avez raison de persévérer parce que les maisons d'édition comme vous ont besoin d'exister et les auteurs ont besoin de vous aussi. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté cette invitation. J'étais très honorée. Moi aussi. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Caprices de lecture. Au revoir.